Octobre est le mois des grands spéciaux chez Dolbo Auto. Profitez du rabais de 20% sur les modèles 2018 en stock, que ce soit le Sierra 1500, le Canyon, le Silverado. Dolbo Auto a tout ce qu'il vous faut. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini. Numéro de téléphone 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, vous invite à visiter notre page Facebook pour nos différents spéciaux. Et rappelle que l'achat local est vital pour notre économie. Yannick Jean était de passage hier sur les ondes de CKJ avec Dominique Bolduc et Michel Thibault. On a manqué quelques secondes du début de l'entrevue, mais quand même, vous avez quand même pratiquement l'intégralité. Donc, on écoute l'instructeur Yannick Jean sur les ondes de CKJ hier. Vendredi, on était extrêmement satisfaits. Il faut éviter les matchs là, comme samedi, justement, où est-ce que je trouve qu'on a eu peut-être un laisser-aller du côté de l'effort. On n'était pas incisif sur la rondelle. On a moins compétitionné là, comme on compétitionne habituellement. Ben, tu l'as mentionné, il faut jouer comme vendredi, surtout en troisième période, où vous avez forcé la prolongation. Vous êtes revenu très, très fort en troisième période vendredi. Oui, mais tu sais, ce que dans l'ensemble, à part peut-être là, 8-10 minutes en deuxième période, où est-ce qu'on leur a donné du momentum seulement qu'avec un mauvais avantage numérique, où est-ce qu'on ils ont eu un 5 contre 3, je calcule que tu sais, on jouait quand même dans notre structure, puis toutes les choses allaient bien. Là, c'est pour ça qu'on veut jouer des matchs plus comme vendredi. Samedi, il y a un écart de lancer assez important, 38-15. Est-ce que c'est significatif de votre défaite à Bécomo? Oui, définitivement. On l'a dit, on n'a pas été assez bon, on n'a pas travaillé assez fort, on n'a pas compétitionné assez. Tu sais, nonobstant contre qui tu joues, il faut que tu te présentes. Puis, on est définitivement pas heureux de la manière qu'on s'est présenté dans ce match-là. Et depuis le début de la saison, vous avez bien fait avec le jeu de puissance, mais samedi, là, ça n'a pas donné de résultat du côté de Bécomo. Est-ce que l'absence d'Henrix Lapierre se fait sentir au niveau du jeu de puissance? Oui, définitivement, mais tu sais, c'est à nous c'est à d'autres de prendre la relève. T'sais, on cherche d'autres joueurs qui peuvent aller là. Ils ont été bons là, à quelques reprises, mais on a vu la différence de notre avantage numérique à la maison. Vendredi versus sur la route. Sur la route, là, on est à quoi? 1 en 5, samedi, 20%. Mais c'est pas nécessairement là, le résultat comme la manière que notre avantage numérique a pas réussi à s'installer. Là. Les Sacks vont perdre un joueur cette semaine, mais s'il n'est pas un joueur qui est blessé, c'est Théo Rochette qui va participer dans les prochains jours au défi mondial des moins de 17 ans. Selon toi, Yannick, quel avantage la recrue des Sacks va-t-il retirer de cette expérience? Ah, un millage incroyable, tu sais, avoir la chance de jouer avec les meilleurs joueurs au monde de son groupe d'âge. C'est certain qu'il manque des matchs avec nous, sauf qu'il va en revenir grandi de cette expérience-là. Jouer sur un, dans le fond, c'est du hockey international, sur un stage international, dans un calibre comme ça. C'est certain que tu grandis en tant que joueur de hockey, tu matures également, puis tu sais, c'est vraiment là, positif dans son cas. C'est certain que c'est un joueur qui est important pour nous. Par contre, on va être capable, là, tu sais, de à long terme, là, il va être capable de nous faire bénéficier de cette expérience-là. Et en l'absence de Théo Rochette et puis la liste importante des joueurs blessés, quels seront les changements apportés en vue des trois prochaines parties à domicile? Bon, on a fait une transaction là, il y a quelques heures. Ah oui? On a acquis là, Carl-Olivier Dignard, un ancien des élites de Jonquière, qui a joué avec les Voltigeurs l'an dernier, s'est retrouvé au Junior 3, là, étant donné le surplus d'attaquants de Drummondville depuis le début de la saison. Donc, on a fait son acquisition. On va passer les deux prochaines semaines avec nous. On a essayé là, depuis quelques semaines de trouver un terrain d'entente là, avec certaines formations pour justement là, pouvoir pallier à la perte là, de la longue absence là, de quelques joueurs là, qui sont blessés et des joueurs qui étaient prévus de partir au championnat du monde. Donc, on est content de pouvoir donner la chance à ce jeune-là. Il connaît la région. Il a déjà joué ici, donc je pense que c'est positif. Puis le jeune a très hâte également là, pour lui avoir parlé. Et qu'est-ce que les Sacks ont cédé en retour de l'ancien joueur des élites? Un choix de 10e rond, qui pourrait se transformer plus tard si jamais le joueur joue junior majeur, soit à temps plein, pourrait échanger là, pour un choix plus haut. Est-ce qu'il y a d'autres changements prévus? Oui, il y a un nouveau joueur qui s'amène, là, Dignard, le jeune, l'ancien des élites. Est-ce qu'il y a d'autres changements prévus chez les Sags dans l'alignement? Xavier Labrecque qui va passer là, les prochaines semaines avec nous également. Donc, on va travailler avec ces joueurs-là dans l'entraînement les deux prochains jours pour qu'ils puissent entrer là, dans notre système le plus vite possible. Mais Labrecque a quand même, là, possiblement, de l'ordre de jouer avec nous depuis toute la saison. Est-ce que tu continues l'alternance des gardiens de but entre le jeune Schenk et le jeune Boutillier, le vétéran Boutillier? Bien, on va, pour l'instant, il n'y a aucune raison qui porte à croire là, qu'on va arrêter d'en garder un. Alternance, peut-être pas, OK, un match comme ça, mais oui, les deux vont continuer de voir l'action. Yannick Jean, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance pour les trois joutes au centre Georges Vézinos. Oui. Merci à vous autres. Puis on se reparle lundi prochain, Yannick. Merci. Au revoir. Donc, les cinq.